France Inter. 6h56, Blockbuster. Frédéric Sigri, c'est à vous ce matin, Frédéric. Vous faites la part belle au cinéma. Oui, Laetitia, Festival de Cannes oblige. J'ai pour mission ce matin de mettre en valeur un cinéma exigeant, à même d'ébranler les certitudes du spectateur, mais capable aussi de porter sur l'époque un regard d'auteur, un regard qui interroge. C'est pourquoi je vais vous parler de Fast and Furious 10. Fast and Furious 10, aussi connu sous le nom de Vroom Vroom Pouet Pouet 10. Vous dites ça à l'entrée du cinéma, le caissier, il sait immédiatement de quel film vous parlez. Alors que si vous dites « moi », vous avez une place pour le film de Mai Wen. Fast and Furious 10, Fast 10 en anglais, qui est un truculent jeu de mots. Car en anglais, quand on monte dans une voiture, on dit « Fasten your seatbelt, attache ta ceinture ». Fast 10, vous l'avez ? Oh, c'est du génie ! Niveau raffinement lexical, au-dessus, il y a les mecs qui trouvent les noms pour les salons de coiffure. Créatif, Molière, le spécialiste de la permanente. Et on peut penser ce que l'on veut de Fast and Furious, mais les accroches publicitaires de ce genre, c'est pas au Festival de Cannes qu'on va en trouver. Les créatifs de Fast and Furious, ils auraient géré le film de Mai Wen et Johnny Depp, ça aurait eu une autre gueule. Jeanne du Barry White, l'histoire sensuelle d'une comtesse qui veut pécho un roi. Alors, je rappelle aux auditeurs que Fast and Furious, à la base, c'était Point Break avec des voitures. L'histoire d'un jeune flic, interprété par le regretté Paul Walker, qui s'infiltrait sous couverture dans le gang d'un braqueur dirigé par Dominic Toretto, joué par Vin Diesel. Il y avait des courses, des cambriolages et un semblant d'histoire. Et puis en cours de route, on sait pas, les scénaristes, ils ont dû faire un burn-out ou un mini-AVC. Et ils se sont dit, tu sais quoi, on s'en bat la race de la cohérence, les scénarios c'est pour les faibles. Et c'est devenu n'importe quoi. Les voitures, elles se sont mises à sauter d'immeuble en immeuble, à se balancer à la Spider-Man, à faire du parachute des avions, à faire la course avec des missiles lancés par des sous-marins nucléaires. Dans Fast and Furious 9, ils sont même allés en voiture dans l'espace. Les Fast and Furious, ils sont tournés dans l'inconscient d'Elon Musk. L'histoire, c'est devenu une telenovelas avec des explosions. Dans Fast and Furious 4, Dominique, il a tué un gars, mais son frère veut le venger. Le problème, c'est que lui-même avait une sœur, qui a eu une enfant qu'on reverra dans le 7. Et le pire, c'est que ça cartonne. Fast and Furious, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus de la drogue légalisée. Il y a plus de stars dans un Fast and Furious que sur le tapis rouge de la croisette. The Rock, Jason Statham, John Cena, Charlize Theron, Idris Elba, Hélène Mirren, Brie Larson, Gal Gadot, tout un tas de stars qui essaient vainement de ne pas se noyer dans le gros ego de Vin Diesel qui produit tout ça. Le gars Vin Diesel joue comme une patate. On dirait une figurine en plastique qu'on aurait laissée sur le feu. Vin Diesel dans le film, c'est Monsieur Propre sur Cortisone qui parle à tout le monde comme si c'était un curé en train d'enseigner à des diacres à l'école du dimanche. Faut avoir la foi. Tu es un homme sans honneur. Sans honneur, tu es sans famille. Et sans famille, tu n'es rien. Et ça, Laetitia, c'est le dialogue le mieux écrit de cet épisode 10. Hein. Vous n'êtes pas prête. C'est Cubéni et Bourrin à n'en plus finir. Dans celui-ci, Dominique Toretto doit carrément sauver le Vatican d'un dangereux psychopathe nommé Dante. Subtilité. Sort de ce film. Un tueur maniéré qui se met du vernis à ongles tout en ayant une conversation avec des cadavres de flics, qui porte des chemises en soie mauve, des colliers, le tout interprété par un Jason Momoa qui s'éclate. Le gars est tellement en roue libre, il peut remplacer tous les pneus de la franchise ever. Et là, si on voulait chipoter, on pourrait se demander si le fait d'opposer le patriarche chrétien buveur de bière et amateur de grosses voitures à un tueur qui a le look d'un chanteur de l'Eurovision un peu queer, ce serait pas un tantinet réac. Eh ben on aurait raison, parce que c'est ça, Fast and Furious. Ce film, c'est un article du Figaro avec des roues. Fuck l'écologie, fuck le wokisme, fuck le scénario, vive la famille, vive Jésus, vive les muscles, vive la corona, le barbecue et les bagnoles. Pour moi qui n'ai pas le permis, vote à gauche et travaille depuis 10 ans à France Inter, je vais vous dire, c'était tellement dépaysant. Merci Frédéric Sigrist.